And now, for our feature presentation. Mon rap, c'est ni plus ni moins que le fond de ma pensée. Quelques tracks pour se tirer une balle et d'autres pour danser. Mon rap, c'est beaucoup d'idées que je me dois de condenser. Depuis que j'ai commencé, y'a pas mal de lacunes que j'ai compensées. Mon rap, c'est de la haine sans violence sur du papier. Ici et là, quelques phases de merde, d'autres qui me font crier. Un message assez banal, mais que je suis obligé de répéter. Un affront au mal et à la mauvaise graine qui se met à rapper. RAPC. Analyse la connerie dans son ensemble. Pas de solution, des constats, c'est déjà pas mal, il me semble. Lyricalement correct et politiquement au centre. Enragé contre la guerre, plombé directement au ventre. Mon rap va avoir 11 années de maturité. Se bonifie avec le temps sans jamais se précipiter. Ici et là, quelques morceaux que les gens apprécient. Ici et là, deux ou trois couplets sur un thème précis. RAPC. Pessimisme à 50%, de l'amertume à 40 et les 10 derniers comme tout le sang. Mon rap change d'avis selon l'humeur, il est versatile et n'oublie pas d'ajouter un soupçon d'humour. Mon rap c'est tantôt de l'électro saccadé, du piano pour chialer et puis quelques violons pour bader. Mais pas d'incitation à ce qui fait sa mauvaise image. Il évite la tendance et ne masque pas son visage donc. RAPC. Ni plus ni moins que le fond de ma pensée. Quelques tracks pour se tirer une balle et d'autres pour danser. Mon rap, c'est beaucoup d'idées que je me dois de comprendre.